Les clubs de foot 25 avril et Lokomotiv célèbrent en Corée sont qualifiés pour la Coupe de la Confédération asiatique du football 2017. Selon le résultat du tirage, ils appartiennent au groupe 9 Est-Asiatique avec le club mongol Irtim. Le club 25 avril fait le match avec le mongol le 14 mars à Pyongyang et le match aller le 17 mai, alors que le Lokomotiv le match aller avec le mongol le 14 avril et le match retour le 31 mai. La première épreuve entre les deux clubs coréens se dispute à Pyongyang le 18 avril et la seconde le 3 mai.